on te balance du haut du mur, combien de temps mettras-tu à tomber? Demande s'ils te trouveront avant que les loups ne te dévorent. Qu'est-ce que tu regardes, demi-portion? C'est toi que je regarde. Oui. Tu as un visage intéressant. Vas-y, danse, danse, danse avec les loups. Avant qu'ils n'arrivent près de chez vous. Vas-y, danse, danse, danse avec les loups. Avant qu'ils n'arrivent près de chez vous. Dès le réveil, comme l'histoire du Titanic, on coule très vite, vu les infos, peut-être sorti de la ligue. Même si on se fout du match, avec toute l'équipe de Snatch. Arrête-moi si tu peux, faut que les racistes aient leur vague. J'ai jamais compris leurs blagues, je garde la mémoire dans la peau. On se tape trop de films dans la vie, on se refait le scénario. T'as vu les jeux à Rio, ça cache la misère derrière. On gardera un coup d'avance, Slumdog millionnaire. Retour à la ligne verte, comment ça va mon patron? Ce soir on est en Afrique, appelez-nous les rois lions. On suivra pas le troupeau, je garde le silence des agneaux. Tu seras mon pote, pas de problème, Sangoku Naruto. Laisse-moi me poser sur un banc, tranquillement, Forrest Gump. Vu que j'aime tellement écrire, j'ai fait mon livre de la jungle. Près d'un taxi driver, on connaît les bonnes adresses. Comme dans Hit, c'est le shoot, tout le monde veut tirer la caisse. N'oublie jamais ta maman, la vie est belle, tu le sais, les temps changent. Surprenant petit, on voulait être policier. Il faut sauver le soldat, mais je l'ai perdu en voyage. Même si le nouveau requisseur n'aura pas le même héritage. Vas-y, danse avec les loups, c'est arrivé près de chez vous. La crainte dévise tout le monde, donc lève-toi et tiens debout. On met de côté les nerfs à vif au-dessus d'un nid de coucou. La cité des dieux, normalement, on ne peut la voir qu'à genoux. L'enfant se donne, donne, donne, comme dans Raging Bull. C'est notre film de la vie, y'a pas d'Ivix en double. Je vous aime fort, évidemment, toi qui m'écoutes chaque fois. La vie est courte, profites-en. Vas-y, danse, danse, danse avec les loups. Avant qu'ils n'arrivent près de chez vous. Vas-y, danse, danse, danse avec les loups. Avant qu'ils n'arrivent près de chez vous. Libérez-moi de ces chaînes autour du cou. Libérez-nous de ces chaînes autour du cou. Libérez-moi de ces chaînes autour du cou. Libérez-nous de ces chaînes. DJ Rolex à la prod.